واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه الكرام وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ويقول جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فقال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن كل من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء لا يستغفرون لمعلم الناس الخير. الله سبحانه وتعالى dans le Coran nous montre la grande place qu'ont les gens de science et les savants dans cette religion. Et nombreux sont les versets qui vantent leur mérite, qui leur accordent une grande place et qui nous poussent à aller vers cette science et à l'apprendre des savants. Il nous dit, subhanahu wa ta'ala, sur la traduction des sens de ces versets: Allah témoigne qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée si ce n'est lui, ainsi que les anges et les gens doués de science. Nulle divinité n'est digne d'être adorée, le puissant, le sage. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala témoigne de la ilaha illallah. Puis il fait témoigner de cette parole les meilleurs de ses créatures parmi les habitants des cieux et parmi les habitants de la terre, à savoir les anges et les savants. Et on n'a pas cité ici les rois, ni les riches, ni les médecins, ni autres, mais on a cité les savants. Et ça nous montre leur grande place et leur valorisation en islam. Aussi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Allah élève ceux qui ont la foi et ceux qui ont la science dans les hauts degrés. Donc les gens de science ont une place très élevée. Aussi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les gens doués d'intelligence se souviennent. Allah subhanahu wa ta'ala ici affirme le fait que l'ignorant puisse être l'égal du savant. Et si les textes relatifs au mérite de la science sont particuliers à la science religieuse, prise du Coran et la Sunna, cette règle est valable même dans les sciences mondaines. Ne sont pas égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Quant au texte, parmi les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: et les savants sont les héritiers des prophètes. Les savants sont les héritiers des prophètes. Et certes, les prophètes n'ont légué ni pièce d'or, ni pièce d'argent, mais ils ont légué la science. Donc les savants sont ceux qui ont pris la plus grande part de cet héritage, ceux qui sont le plus à même de se réclamer du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ses suiveurs et de ceux qui le connaissent et suivent sa sunna alayhi salatu wa salam. Aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: et certes, tout ce qu'il y a dans les cieux, sur la terre, jusqu'aux poissons dans la mer, invoque Allah en faveur de celui qui enseigne aux gens le bien. Demande pardon à Allah pour celui qui enseigne aux gens le bien. Et sans aucun doute, à leur tête, il y a les prophètes, ou plutôt les madha, les savants. Sans aucun doute, de nos jours, à leur tête, il y a les savants. Et personne n'obtiendra cette noblesse si ce n'est en prenant les savants comme exemple, en suivant les savants, en revenant à eux, en les questionnant, en prenant la science d'eux et en les interrogeant dans nos affaires et les affaires de la communauté. Et certes, celui qui recherche la science, ou celui qui la propage, ou celui qui a un rôle quelconque, se doit d'être derrière les ulama, ahli sunnah wal jama'a, et la bénédiction de tes études, et la bénédiction de ton prêche, de ta prédication, et de ce que tu feras en religion, sera le fruit de la bénédiction acquise lors de la prise de science auprès des ulama et du fait de les prendre en tant qu'exemple et de tirer profit de leurs enseignements et de leurs conseils. Quant à celui qui fait scission d'avec les savants en pensant être arrivé à un niveau où il peut désormais se passer des savants, alors voici le début de la fin, voici l'égarement même, voici l'abandon même, le fait de penser que tu n'as plus besoin des savants et que tu ne reviens pas aux savants et que de toi-même tu peux emprunter un chemin et connaître le bien du mal, le vrai du faux, et tout cela sans avoir besoin des savants. Ceci est un égarement évident. Et Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu nous dit: لا يزال الناس بخير ما أخذ العلم عن كبارهم أو كما قال رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود nous dit: les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils prendront la science des grands. Tant qu'ils prendront la science des grands, et les ulama de Ahl Sunnah, les ulama de Ahl Sunnah, et toute personne qui est sur la Sunnah est grande et élevée. Et toute personne qui est dans la bid'a est petite et humiliée, quel que soit son âge, quel que soit son volume de science. Toute personne qui est sur la sunna est élevée de par la sunna qu'elle porte. Et toute personne qui est dans la bid'a est humiliée et rabaissée de par la contradiction qu'elle se permet de faire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car Allah tabaraka wa ta'ala lui ordonne dans le Coran de prendre comme exemple et de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, parmi les plus grandes fautes, parmi les péchés, les choses qu'Allah azza wa jal déteste, le fait de manger la chair des ulama, le fait de parler en mal sur les ulama, ceux qui ont pris leur temps, ceux qui ont donné leurs efforts au service de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans l'étude du Coran, sa récitation, sa mémorisation, son explication, sa mise en pratique, na'am, ou que ce soit dans l'étude du hadith, son authenticité, son sens, sa mise en pratique, sa transmission, son apprentissage, wa hakada. Ces gens-là ne doivent être cités qu'en bien, et ils ne doivent être mentionnés qu'en bien. Ceci est la voix des gens de la sunna. Ihtiram al-ulama wa taqdiruhum, le fait de respecter les savants, le fait de les considérer et de se mettre derrière eux et de dire ce qu'ils ont dit et de délaisser ce qu'ils ont délaissé et de revenir à eux en cas de divergence, na'am, et sans penser qu'ils sont infaillibles, sans pour autant penser qu'ils sont infaillibles et que l'un d'entre eux peut avoir bon dans toutes les questions religieuses, comme c'était le cas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, ceci est de l'exagération. Mais le fait que le savant soit sujet à l'erreur ou à la faute, non, ne te rend pas son honneur, ou plutôt le fait de toucher son honneur légitime. Bien au contraire, il peut se tromper comme se trompe l'humain, mais yani, suite à un effort de réflexion ou bien à une erreur, et ils sont excusés chez Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'ils font des efforts d'interprétation autre. Mais quant au fait de penser que le savant est infaillible, que sa parole est une preuve en soi, ceci n'est pas la voie des savants de la sunna, comme le disait l'imam Malik, l'imam Shafi'i et d'autres. Si ma parole venait à contredire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, prenez la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et jetez ma parole contre le mur. Et l'un d'entre eux dit, idha sahha al-hadith fa huwa mazhabi. Si le hadith est authentique, alors voici ma méthodologie, voici le chemin que j'emprunte. Et l'un d'entre eux dit, je reviens de tout ce qui contredit la sunna de mon vivant et après ma mort. De mon vivant et après ma mort. C'est-à-dire, ne me suivez pas aveuglément. Si vous voyez que je contredis une sunna par une parole, alors délaissez ma parole même après mon décès et revenez à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala disait, min kullin yu'khad wa yurad. De chaque personne, on peut accepter et rejeter illa sahib al-qabr, si ce n'est l'homme qui est dans cette tombe, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voici le juste milieu par lequel Allah subhanahu wa ta'ala a comblé Ahl sunnat wal jama'a. Ni il méprise, dénigre les savants, comme c'est la voix de ceux qui sont dans l'égarement, et ni ils exagèrent à leur sujet au point de penser qu'ils sont infaillibles et faire devancer leurs paroles sur celles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'ont fait ceux qui ont exagéré envers leurs personnes vertueuses. Wa billahi at-tawfiq. Kunna qad intahina min ghazwati al-ahzab fi al-jum'ati al-madiyah. Wa tatimmatan li ghazwati al-ahzab نذكر غزوة بني قريظة وهي القبيلة الثالثة من قبائل أهل الكتاب الذين كانوا يعيشون في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. La semaine passée, nous sommes arrêtés sur la fin de la bataille de Al-Ahzab. Et pour conclure sur cela, la suite est la bataille de Bani Qurayza. Et Bani Qurayza est la troisième tribu des gens du livre qui vivaient à Al-Madina. Qui vivaient à Al-Madina et avaient un ahd, avaient un pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Al-Ansar avant cela. Et Al-Ansar avant cela. On avait vu que les différentes tribus s'étaient liées contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les croyants, que ce soit Quraysh, Bani Ratafan et d'autres. Puis que Bani Qurayza avait trahi le pacte et les croyants. Si ce n'est que Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde envers les croyants, a mis en déroute Al-Ahzab, les coalisés. Et ceci par deux grandes causes. La première que nous avions citée, c'était Al-Rih, un vent qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoya, qui a mis la peur dans le cœur de Quraysh et qui retournait leur marmite, éteignait leur feu et faisait s'envoler leur tente. Et la deuxième cause, un sahabi, de leur tribu, Bani Ghatafan, qui s'est converti et son islam n'était pas connu. Alors, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour se mettre à son service. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de repousser le mal de l'ennemi. Alors ce sahabi radiallahu anhu est parti voir Bani Qurayza et les a détournés du combat en leur disant: vous êtes d'ici Quraysh, s'il y a un problème ils vont repartir à Mecca et vous allez être seul. Alors demandez-leur des garanties. Naam, ainsi vous combattrez à leur côté. Puis il est parti voir Quraysh et leur a dit: Bani Qurayza regrette de s'être lié avec vous. Et bientôt ils vont prendre des hommes de vos rangs pour les remettre aux musulmans, ou bien pour leur faire ceci et cela, pour montrer qu'ils sont sincères dans leurs regrets. Ils vont venir vous demander des garanties. Alors n'acceptez pas cela. Ainsi, il a semé la graine du doute entre eux. Et lorsque Bani Qurayza est venu voir Quraysh pour mettre en pratique ce conseil, Quraysh s'est dit, donc il avait raison. Et lorsqu'ils ont refusé Bani Qurayza, se sont dit, il avait donc raison. Ainsi, Bani Qurayza est reparti dans sa forteresse et Kuffar Quraysh est reparti à Mecca. C'est ainsi que la Ghazwatul Ahzab s'est terminée, qu'Allah subhanahu wa ta'ala repoussa le mal de l'ennemi. Ils sont donc rentrés chez eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le raconte Aïcha radiallahu anha, et comme le mentionne l'imam al-Bukhari dans son sahih, لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب وضع السلاح واغتسل فجاءه جبريل. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré de la bataille de l'Ahzab, il a déposé les armes, il s'est lavé et Jibril alayhi salam lui est venu. Et il lui a dit: Awada'ta silah, as-tu déposé les armes? Ana ma wada'tu silah, quant à moi je n'ai pas déposé les armes. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: vers où dois-je reprendre les armes? Vers où dois-je reprendre les armes? Il lui a dit: dans cette direction. Et il lui a montré la direction de Bani Qurayza, cette tribu parmi les tribus des gens du livre, les trois tribus qui étaient à Al-Madina. Et à ce moment-là, c'était la dernière, car Banu Qaynuqa avait trahi après la bataille de Badr, et Banu Nadir avait trahi après la bataille de Uhud. Il restait donc Bani An-Nadhi, Mada Qurayza. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti et a réuni les sahaba et les a envoyés chez Bani Qurayza. En leur disant: La yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Qurayza. Que personne ne prie la prière du Asr si ce n'est chez Bani Qurayza. Il leur a donc demandé de se presser. Ce hadith est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Si ce n'est que dans la version de l'imam Muslim, c'est la yusalliyanna ahadukum al-dhahra. Dans le recueil de l'imam Muslim, c'est al-dhahr qui a été mentionné. En chemin, l'heure du Asr allait s'écouler et allait sortir. Fata'ifatun minhum sallat al-Asr fi waqtih wa ta'ifa akharathu ila an wasalu ila Bani Qurayza ay ba'da al-waqt ba'da khuruji waqtih. Donc en chemin, vu que l'heure du Asr allait sortir, les Sahaba ont divergé. Certains ont dit, on s'arrête pour prier l'Asr, car l'heure va sortir. Pourquoi ça? Car ce qui est voulu par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est de se presser pour se rendre chez Bani Quraïda. Le but du hadith et de son ordre, c'est dépêchez-vous et ne tardez pas. Un autre groupe parmi les sahaba ont dit non, on devra arriver d'abord chez Bani Quraïda pour pouvoir prier l'Asr. Car le but du prophète sallallahu alayhi wa sallam est qu'on ne doit pas s'arrêter avant d'arriver chez Bani Quraïda. Donc, les sahaba, radiallahu anhum, ont divergé. Et de cela, on voit que al-mujtahidun ad yakhtalifun fi nassin wahid ma'a sihhati. Et de cela, on voit que les savants peuvent diverger en ayant pourtant le même texte. Et bien qu'il soit authentique, mais leur manière de comprendre le texte peut être différente. Mais dans ce cas-là, ils ne sont pas blâmables. Dans ce cas-là, ils ne sont pas blâmables. Mais ça n'empêche pas la discussion et le débat scientifique de reprendre la personne selon l'avis que la personne de science a, qui est différent de l'avis de Yanni autre que celui-ci. Quant au reproche et au fait de rendre égaré la personne dans ce genre de questions, ça n'est pas à faire. Par contre, dans l'aqida, dans la croyance, chose qui n'a pas été le cas, bien évidemment, chez les sahaba, ils n'ont pas divergé dans l'aqida, il n'est pas permis de diverger. Dans les bases et dans la croyance, il n'est pas permis de diverger. Donc, les sahaba sont rendus chez Bani Quraïda et ils étaient environ 3000. Bani Quraïda, à l'image des gens de leur peuple, ne sont pas sortis combattre. Mais ils sont plutôt rentrés dans leur forteresse. Et se sont enfermés. Alors les compagnons radiallahu anhum les ont encerclés. Et cela pendant 25 nuits. Hattastaslam. Et au final, ils se sont rendus. Mais avant cela, ils se sont consultés mutuellement. Et un de leurs proches et de leurs têtes, Ka'b ibn Asad, leur est venu. Et leur a dit, « Ya ma'ashara yahoud, innahu qad nazala bikum min al-amri ma tarawu. » Ka'b ibn Asad est venu les voir et leur a dit, « Vous voyez bien la situation qui vous est tombée dessus. Donc je vais vous proposer trois solutions. Ils sont dans leur forteresse. Et ils ne veulent pas sortir de leur forteresse. Ils ne veulent pas sortir pour combattre. Ils ne veulent pas se rendre. Ils ne savent plus quoi faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont trahi les musulmans alors qu'ils étaient en sécurité à Al-Médine. La première chose, le premier choix, nubay'u an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, nubay'u hadha ar-rajul wa nusaddiquhu, fa wallahi laqad tabayyana lakum annahu nabiyyun mursal. La première chose, on se rend auprès de cet homme et on embrasse sa religion et on le croit. Et par Allah, nous est apparu de manière claire que c'est véritablement un prophète envoyé. Donc ils reconnaissaient que c'était les messages d'Allah. Mais par orgueil, ils ont refusé de le suivre. Fata'manu ala anfusikum, ou ala dima'ikum, ou amwalikum, ou nisa'ikum, qalu ma nufariqu at-tawrata abada. Puis il leur a dit, ainsi vous serez en sécurité, vos personnes, vos familles, votre argent, Ils ont répondu, jamais on ne délaissera la Torah. Jamais on ne délaissera la Torah pour la remplacer par un autre. La deuxième proposition faite par Ka'b ibn Asad, donc un des leurs, est « Fanaqtu al-nisa'ana wa awladana thumma nakhruju ila Muhammadin rijalan bis-suyuf wa lam natruk wara'ana ahada aw thiqalan yuhimmuna aw yahimmuna hatta yahkum Allah baynana wa bayna Muhammad fa'inna halak nahlak wa lan natruk wara'ana man nakhafu alayh wa in nadhhar la amri la najidanna an-nisaa wa al-abna. La deuxième proposition, donc il leur a dit, sinon on assassine nos femmes, nos enfants, puis tous les hommes sortiront au combat armés pour combattre Mohammed et les musulmans. Si on allez jusqu'au dernier d'entre nous, on combattra jusqu'au dernier d'entre nous. Si on meurt tous, naam, premièrement, en chemin, on n'aura pas le souci de ceux qu'on a laissés derrière. On combat, si on perd, jusqu'au dernier d'entre nous, et qu'on décède, on n'aura laissé personne derrière. Et si Allah nous accorde la victoire, par Allah, on trouvera des femmes et des enfants par la suite. On trouvera des femmes et des enfants par la suite. Ils ont répondu, et quel plaisir on aura à vivre si on fait cela après. Il leur a dit la troisième proposition, inna laylata laylatu sept. Naam, il leur a dit, cette nuit c'est la nuit du samedi. Et c'est connu que le samedi, ils ne font pas d'œuvre particulière, ils ne travaillent pas et ainsi de suite. Ils se sont donc dit, ou il leur a dit, on attaque Mohammed et ils ne s'attendent pas à ce qu'on les attaque un samedi. On les prend par surprise, en traître. Naam. Alors, ils seront surpris et on pourra avoir le dessus sur eux. Ils ont dit, on ne va pas annuler notre samedi, on ne va pas affecter notre samedi comme nos ancêtres l'ont fait auparavant. Auparavant, afin de ne pas subir la punition qu'ils ont subie auparavant. Donc, ils ont accepté aucune des trois propositions. Par la suite, ils ont envoyé un émissaire pour faire une demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est cette demande? Ils ont demandé à ce qu'on leur envoie un compagnon. Un compagnon avec lequel ils avaient des liens auparavant. Un compagnon avec lequel ils faisaient des affaires ou ils avaient des pactes auparavant. Alors ils ont dit Arsil ilayna Aba Lubaba al-Awsi radiyallahu anhu. Abu Lubaba radiyallahu anhu fait partie des nobles compagnons. Ibn Abd al-Munzir. Wa kana min hulafa'ihi. Pourquoi cela pour le consulter. Abu Lubaba, lorsqu'il est rentré dans leur forteresse, les femmes, les enfants se sont mis à pleurer et Maza, ça l'a bouleversé. Lorsqu'il les a vus pleurer et supplier, cela l'a attristé. Puis ils lui ont demandé, est-ce que tu penses que la meilleure solution est de se rendre et de descendre dans le jugement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Alors il leur a dit oui. Puis ils lui ont dit, que penses-tu qu'il fera de nous? Alors Abu Lubaba a montré son coup ainsi pour dire il va vous exécuter. Pourquoi cela? Car ils ont trahi, car ils ont trompé, car ils ont triché. Alors qu'ils étaient à Al-Madinah, ils vivaient chez eux, en sécurité. Et ils tiraient profit de leur richesse, de leurs biens, de leurs terres et de leurs forces militaires. Ils étaient sous leur protection. Malgré ça, ils ont trahi, ils ont triché, ils ont voulu éradiquer les croyants. En se liant dans le mal avec Quraysh et avec Bani Ghatafan et autres. Puis, Abu Lubaba, c'est comme s'il a regretté, parce qu'il a vu en lui, et Ali dans cette action, le fait d'avoir dévoilé une affaire concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il est parti à la mosquée. Il s'est attaché lui-même sur un pilier. Il s'est attaché lui-même sur un pilier et a dit, je ne bougerai pas d'ici tant qu'Allah ne m'aura pas pardonné. Tant qu'Allah ne m'aura pas pardonné. Et je ne mettrai plus jamais mon pied sur la terre de Bani Quraïdra. Il y a un endroit où tu as fait du mal, il est bon de ne pas retourner vers cet endroit-là. Et on a vu dans le hadith de celui qui avait tué les 99 personnes qu'on lui a dit, je suis sur une terre de mal, quitte cet endroit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque cela lui est parvenu, il a dit, s'il m'était venu, j'aurais invoqué Allah en sa faveur afin qu'il lui pardonne. Mais du fait qu'il a pris cet engagement-là, alors on attend jusqu'à ce qu'Allah jusqu'à ce qu'Allah lui pardonne. Ce hadith-là est répandu. Naam, et il est connu, si ce n'est que il y a une faiblesse quant à son authenticité. Si ce n'est qu'il y a une faiblesse quant à son authenticité. Et Abu Lubaba, le fait qu'il se soit attaché sur un pilier ou un pilier de la mosquée, Al-Hafid ibn Hajar explique que ça fait plutôt référence à ceux qui n'ont pas participé à la bataille de Tabouk. Il y a trois parmi les compagnons qui ont été mentionnés, que ce soit dans le verset, à la Salatati, dans le Surat Tawbah, et dans le hadith de Ka'b ibn Malik. Dans le hadith de Ka'b ibn Malik. Mais il y en avait trois autres qui n'ont pas été mentionnés. Parmi les six, il y a Abu Lubaba ibn Abd al-Munzir. Donc, c'est suite au délaissement de la bataille de Tabouk ou à la non-participation à Razat Tabouk que Abu Lubaba a attaché sa personne au pilier, a dit qu'il ne bougera pas. Il a amené ses biens pour les donner en aumône au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour Allah et a dit, et au message d'Allah, voici ce que je donne pour Allah car c'est ce qui m'a empêché de participer à la bataille. Et dans le texte, il y a des choses qui montrent que le hadith n'est pas authentique. Car en apparence, Abu Lubaba avait connaissance du jugement qui allait tomber sur Bani Quraïda. Alors que comme on le verra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit est-ce que vous agréez qu'on mette ce jugement à l'un d'entre vous, qu'on remette le jugement à l'un d'entre vous? Ils ont dit oui. Alors il a dit, faites venir Sa'ad ibn Mu'adh, leur chef. Faites venir Sa'ad ibn Mu'adh. Et il a dit à Sa'ad ibn Mu'adh de juger Bani Quraïdra. Donc ça n'est qu'à ce moment-là qu'il y a eu le jugement. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, laqad hakamta bi hukmillah. Tu as jugé selon le jugement d'Allah. Donc ça n'est qu'à ce moment qu'on a su le jugement qui allait être donné à Bani Quraïdra. Donc comment est-ce qu'Abu Lubaba aurait pu trahir Allah et son messager en dévoilant cette chose-là. Donc, ceci ajoute à la faiblesse du sanad, cette faiblesse dans le matin. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit amenez Sa'd ibn Mu'ad. Où était Sa'd ibn Mu'ad à ce moment? Sa'd ibn Mu'ad était à la mosquée. Pourquoi cela? Car dans la bataille de l'Ahzab, il avait reçu une flèche. Il avait eu une hémorragie. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait mis une tente dans la mosquée afin qu'il puisse facilement le visiter. Ils l'ont fait venir et il est arrivé sur sa monture. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Oumou, il a essayé des coups. Lorsqu'il est arrivé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ansar, levez-vous pour votre chef. Ils se sont donc levés, ils l'ont fait descendre de sa monture et l'ont amené. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné la responsabilité à Sa'd ibn Mu'ad radiallahu anhu du jugement concernant Ma'adha Bani Quraidha. Alors Sa'd ibn Mu'ad a dit qu'il ne craindra le reproche de personne devant la vérité qu'il faut dire pour Allah. Il a dit tuqtal muqatalatu. Il a dit tous ceux qui ont participé à la guerre qu'ils soient exécutés. Quant aux femmes et aux enfants, on ne les touche pas. Mais tous ceux qui ont participé à la guerre, ils recevront cette rétribution. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Laqad hakamta bi hukmillah. Tu as jugé selon le jugement d'Allah. Et dans une autre version, Laqad hakamta bi hukmil malik. Tu as jugé selon le jugement du roi, bien du maître. Puis Sa'd, radiallahu anhu, qui avait une lourde blessure, a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. En disant Allah taba, oh Allah, tu sais bien qu'il n'y a pas une chose que j'aime plus que de. d'être dans l'armée de ton prophète pour me mettre contre ceux qui ont démenti ton messager et l'ont banni et l'ont fait sortir. Oh Allah, si tu sais qu'il reste contre Quraysh encore des combats, alors maintiens-moi en vie. Et si tu sais que les armes sont posées, alors fais que cette hémorragie reprenne. Il demande à Allah Azza wa Jal de revenir vers lui. Et dès qu'il a fini sa dua, son hémorragie s'est mise à couler et il est décédé. Radiallahu anhu. Les ulama ont divergé quant à la parole de Sa'd ibn Mu'ad radiallahu anhu dans sa dua. Car il a dit Wa inni adhunnu أن الحرب قد وضعت أو أن قريش وضعت الحرب أو وضعت الحرب ماذا أو وضعت الحرب بيننا وبينهم أو الله si tu يعني أو الله je pense que tu as يعني qu'il n'y aura plus que tu ne mettras plus la guerre entre nous et eux. Donc les savants ont divergé. Pourquoi cela? Car après Ghazwatul Ahzab ou bien Bani Quraïdha, il y a eu d'autres batailles. Donc est-ce que Sa'd a été yani, tombé juste lorsqu'il a dit je pense qu'il n'y aura plus de guerre, ou bien est-ce qu'il s'est trompé dans son opinion? Est-ce que Sa'd radiallahu anhu, lorsqu'il a dit je pense qu'il n'y aura plus la guerre, est-ce qu'il a vu juste, ou bien est-ce qu'il s'est trompé dans son opinion? Man yujib ala sual. Qu'est-ce qui répond à la question? Est-ce qu'il y a eu des guerres après Ghazwat Bani Quraïdha ou pas? Oui ou non? Il y en a eu plusieurs. Donc, est-ce que Saad, ici, sa pensée était juste ou bien elle s'est trompée? Les savants ont divergé. Certains ont dit, il pensait cela, mais il y a eu d'autres, il y a eu d'autres en guerre. Mais d'autres savants ont dit que sa parole est juste. Du point de vue où plus jamais Quraysh est venu à Medina pour les attaquer. Après ce jour-là, plus jamais Quraysh est venu à Medina pour attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les croyants. Mais par la suite, c'était At-Talab. Par la suite, c'était le contraire. Donc, des suites de la blessure, il est décédé, radiallahu anhu. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir éprouvé les croyants, leur accorda le secours, l'élévation, et a repoussé les nuisances de ceux qui étaient venus pour éradiquer l'islam et les musulmans. Wa hayhat, hayhat. Dans Surat Al-Ahzab, Allah conclut cette histoire en disant: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها Allah subhanahu wa ta'ala finit Ghazwatul Ahzab et Bani Qurayza qu'il a mentionné dans Suratu Al-Ahzab en montrant son grand bienfait sur les croyants et en disant qu'il les a renvoyés avec leur rage sans qu'ils n'aient obtenu aucun bien. Et Allah a épargné aux croyants le combat et Allah est fort et puissant. Et il les a fait descendre de leur forteresse, c'est-à-dire Bani Qurayza. Ceux qui avaient soutenu, c'est-à-dire Al-Ahzab, les coalisés. Il a jeté l'effroi dans leur cœur. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous montre le jugement qui a été mis sur les hommes, puis celui qui a été mis sur les autres. Et il vous a fait hériter leur terre, leur demeure, leur bien, et aussi une terre que vous n'aviez point foulée, et Allah est omnipotent. Ça, c'est à la suite de la bataille avec Bani Qurayza. Voici comment Allah subhanahu wa ta'ala conclut la qissa de Ghazwatul Ahzab, et non pas la sourate, ainsi que celle de Bani Qurayza. Et comment est-ce qu'il définissait celui qui était en âge de combattre parmi eux de ceux qui ne l'étaient pas? Soit c'était évident et apparent, soit on regardait celui qui avait des poils au pubis. Celui qui a des poils au pubis est pubère. C'est ainsi qu'on faisait la distinction entre ceux qui avaient atteint la maturité et ceux qui n'avaient pas atteint la maturité. Billahi tawfiq wa sallallahumma barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Il y a un frère qui est venu se convertir, marhaban bihi, qu'il soit la bienvenue. Wa hadhihi da'watuna ندعو الناس إلى توحيد الله عز وجل وندعو الله سبحانه وتعالى يستعملنا في الخير Et ceci est notre prêche et ce à quoi on invite les gens à adorer Allah Azza wa Jal d'un culte sincère et de sortir des ténèbres de l'adoration des créatures vers la lumière et la bénédiction de l'adoration du Créateur. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés que pour cela.